Oui, ça sature. Ça sature, mais ça ne sature pas. En gain ? J'ai mis, en fait, c'est le canal clair. Trois quarts. Aïe. C'est pas tout à fait carré, là. J'ai des problèmes de latence. Quand ça ne peut pas synchroniser cette merde, je suis obligé de relancer la carte son pour que ça se mette comme il faut. Voilà, tac. Non, pas le bon coup. Putain. C'est bon. Ok, Martin. Cendrillon version cool. Cendrillon pour ses 20 ans, elle a plus joli des enfants. Tout faire. Bon, allez. Tout ça n'a plus d'importance. manifeste et une version déprimée. De... Version déprimée, hein? Non mais c'est là, c'est bon, on l'a fait des milliers de fois ce truc. En plus je chante nul en anglais. C'est cela. Accéléré. Alors attends, tu l'as mis à 100. Je sais pas en fait. Trop vite. Et c'est plus la balade, hein. C'est ça, ça va faire. Si tu veux, mais ça va faire différent. Ah mais merde, il est pas à 100 mon truc. Je suis encore en 90. Thank you. pas vraiment la bonne batterie, mais c'est pas grave. Tu bras. Thank you.